Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique en cette journée plutôt pluvieuse et terne. 4 octobre. Du 4 octobre 2012. Mais quand même, on est là pour vous mettre du soleil dans votre soirée ici à CKIA FM 88.3 à Québec avec l'émission Puissance Maximale. Je vous présente tout d'abord Monsieur Andrew Castegan qui est à la mise en onde et chroniqueur et route service. Salut Andrew, comment ça va? Bonjour Monsieur Michaud. C'est toujours un plaisir. Et en passant, je te trouve radieux aujourd'hui. Merci. Avec, l'éclairage, ça fait un... Ouais, sur mon coco rasé, fraîchement rasé. Ça fait un beau reflet. J'ai bien pensé dans emmener mes verres à transition, comme ça, je ne serais pas aveuglé par tant de beauté. Merci Andrew, et mon nom à moi est Mickaël Michaud, votre animateur, et on vous annonce, comme ça, à la dernière minute, que ça va être une émission de 2 heures aujourd'hui, parce qu'on vous aime et qu'on remplace Monsieur François G. Couillard, qui fait habituellement le cirque aquatique magique tout de suite après nous. Bien, ça va être Puissance Maximale cette semaine qui va continuer à bourdonner dans vos oreilles avec des nouvelles ludiques, des chroniques. On va vous parler... aussi, on attend un invité là pour vous parler GN et aussi, mesdames et messieurs, de l'excellente musique comme à notre habitude. Mais on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller chercher toutes nos anciennes émissions, podcasts, photos et autres nouvelles sur notre site. Toujours possible également d'aller sur notre page Facebook. Donc, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous retrouver très facilement. Allez appuyer sur le petit bouton « J'aime » parce que nous, on vous aime. On est toujours content d'être là les jeudis soirs pour vous parler jeux. On vous rappelle également que le site de CKIA FM, donc le CKIAFM.org, pour aller encourager la station en achetant votre carte de membre. Et là, vous allez pouvoir le faire avec des grosses activités qui s'en viennent, des shows bénéfices, entre autres à la Ninkasi et au Cercle, des shows de musique de différents styles, du classique, du jazz, du progressif, du rock, ça s'en vient. Allez sur le site de CKIA, donc le CKIAFM.org, et aussi un radioton qui s'en vient, auquel la Puissance Maximale va participer. On a bien hâte d'être là. À date, là, on nous parlait peut-être de... On allait être là le samedi et aussi... Très tôt le matin, le dimanche, on a hâte de tester ça, un 4 heures de matériel avec vous. On a hâte d'essayer ça, bien évidemment. Et on va continuer de commencer notre émission, parce que ça ne fait que commencer, avec de l'excellente musique. Et Andrew, on va commencer avec quelle chanson? La chanson « À toi » de System of a Down. Oh yeah, « À toi », et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. You don't care about how I feel, I don't feel ready more. You don't care about how I feel, I don't feel de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse, mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. Mais oui, on remercie M. François Gécouillard qui avait fait ses indicatifs à l'époque et on les utilise encore parce qu'on est, on est nostalgique. Je les aime, moi. Moi aussi. Et on commence en nouvelle ludique aujourd'hui, mesdames et messieurs, et pas n'importe laquelle. Ben là, c'est pas si une grosse nouvelle que ça, mais c'est non, le fun. Non, c'est une grosse nouvelle. Préparez-vous, vous allez tomber sur votre derrière. Et à partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, le DLC Artfire est disponible sur Steam et je parle de DLC pour le jeu Skyrim. On en a parlé il y a quelques semaines, donc Artfire qui est un contenu téléchargeable avec lequel vous allez pouvoir vous acheter un terrain, construire votre propre maison, vraiment la mettre à votre goût, construire des outils pour pouvoir construire votre maison, donc aller chercher du matériel, vraiment installer ça à votre goût avec des laboratoires, forges, entrepôts et tout ce que vous voulez, et la possibilité de d'avoir une famille. Donc déjà que le jeu Skyrim est assez immersif, mais là on veut vraiment créer quelque chose de comment avoir notre personnage au quotidien là. Mais je vous informe avant que vous vous dites ah il va avoir tout plein d'actions avec ma femme, il va pouvoir avoir des relations. Non, votre le Dragonborn, tout le monde le sait, il est stérile. Vous êtes obligé d'adopter. Andrew, il n'y a personne qui se pose ces questions-là. Non, mais il y a une chanson sur Internet. Ouais, là, je le sais, je le sais. Mais oui, effectivement, c'est niaiseux, mais vous allez pouvoir adopter des enfants parce que déjà, vous pouvez vous marier dans Skyrim. Quand vous vous rendez à Riften, il y a un temple. Là, le prêtre de ce temple-là vous explique comment. Vous portez l'amulette. Puis vous, le temple de Mara. C'est ça. Vous portez l'amulette de Mara, puis vous allez parler à des femmes, puis... Il y en a qui vont dire oui, vous pouvez leur demander, puis là vous avez une femme, puis vous déménagez genre chez la femme, ça reste une votre maison. Mais maintenant vous pouvez construire la vôtre et adopter des enfants également pour une belle famille. Mais évidemment là, ce genre de construction là vont attirer bandits, géants et autres créatures. Donc vous devrez défendre votre petit terrain aussi. Donc puis c'est pas cher en plus, c'est 5$, un petit DLC finalement juste pour un petit plus là, au jeu Skyrim. 5$ investi ce soir. Ouais, genre, on va en reparler la semaine prochaine là, dès qu'on y aura touché, moi et Andrew, parce que c'est sûr et certain qu'on va essayer ça pour vous. Sur PC, par exemple. Parce que là, c'est la version PC. La version Xbox est supposée avoir été... La version Xbox est déjà sortie. Au début du mois de septembre. Il y avait déjà eu des commentaires qui avaient sorti comme de quoi que c'était bien. Il y a du monde qui était un petit peu déçu parce qu'il s'attendait à plus. Mais je me dis, pour 5$. Ouais, c'est ça. Il y a toujours possibilité d'avoir... C'est pas comme Dawnguard qui a coûté 15$. C'était 15$, ouais. Là, c'est 5$. D'ailleurs, puis... cette sortie-là, je l'annonce, on a vu ça tantôt sur Steam, et est accompagnée d'un joyeux festival de rabais pour les jeux de Elder Scrolls. Donc, pour 10$, vous pouvez aller vous chercher Morrowind, un autre 10$ pour Oblivion, 35$ pour Skyrim, pour ceux qui l'ont pas encore, et Dawnguard est baissé à 12$ ou 13$. Là, on gagne 2-3$. Là. Donc, ça vous fait quand même un joli pactole là, pour les amateurs là, qui ont... Ah, j'aime ton expression. Un pactole. Un pactole. Donc, ceux qui n'ont pas encore ces jeux, ces extraordinaires jeux de la série Elder Scrolls, ben, c'est peut-être l'occasion d'aller vous chercher ça sur Steam. Autre nouvelle, M. Castegan? Oui, en fait, une date de sortie pour Paper Mario Sticker. Sticker. Star, et non pas Sticker. Non, non, faudrait pas dire ça. Ça serait pas le bon mot. Andrew? Opu. Mais bon. En fait, une petite nouvelle brève pour dire que le nouveau volet de Paper Mario Sticker Star... va être le 7 décembre, donc attends pour le temps des fêtes. Et je vous dirais, moi j'adore Paper Mario et, ça c'est sur 3DS. Oh. Donc premier opus oui. de la série. Ils viennent brandir la main, mais premier opus. Opus, excusez. Elle a vraiment de la misère avec ce mot-là. Hein. Pour ceux qui savent pas, Andrew a de la misère avec le mot opus. Il dit tout le temps opus, puis ça m'énerve. Mais là. Mais bref, le premier opus de cette série-là sur les consoles portables. Et ça promet, parce que c'est toujours des jeux qui ont été excellents dans le domaine du RPG sur les consoles de salon. Donc, une bonne nouvelle pour les amateurs. Et là, on va parler de. Là, il y a un gros jeu qui est sorti cette semaine, Resident Evil 6. Et. Il n'y a pas des super bonnes critiques. En tout cas, les fans n'ont pas l'air. Juste pour vous donner une idée. GameSpot, on s'entend, c'est pas à 100% la référence des critiques. Comme jeuxvideo.com, c'est pas la référence à... Bref, c'est pas la référence des critiques non plus. La meilleure façon, c'est Metacritic, normalement. Et oui, ils font un amalgame, finalement, de ils vont tout chercher. Tout ça. Mais GameSpot, c'est le site qui a tendance à être bien dur. Je dirais pas quoi, quand on parle de blockbuster. sais, genre que ça pète, puis ça, il y a des explosions, puis quand il y a une compagnie comme exemple Capcom qui est taguée sur la boîte, ben il adore ça, puis c'est bon, puis tout le monde aime ça. 4.5 sur 10. Ouh, toutes versions confondues. Et le Metacritic avec normalement t'es que qu'on a plus que 12 critiques. Dans le Metacritic, on peut se donner une idée. 7.5. OK. Puis, c'est quand même pas si pire, mais t'es, c'est à cause que les critiques américains et même certains critiques japonais l'ont vraiment descendu. Mais je vous dirais, au niveau des joueurs, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Parce que j'ai vu du monde qui ont mis 20, d'autres qui ont mis 0. Et je vous dirais que... comment je pourrais... on va faire une analyse intelligente de ça, parce que je vous dirais, j'ai pas essayé le jeu. Mike a pas essayé le jeu non plus. Il est sorti, j'attends juste qu'il soit disponible au club vidéo pour l'essayer, parce que je vous dirais, j'aime Resident Evil, mais t'sais, je suis pas un fan fini de la série. Là. Tu fais d'aller acheter le jeu là, dès sa sortie, là, c'est pas ton... Non, c'est ça. Moi, j'ai un demi-frère qui est fan fini, fait qu'au pire, il va probablement l'acheter, puis je vais y emprunter. Là. Mais t'sais, tout ça pour dire que, t'sais, je veux l'essayer parce que la bande-annonce m'a accroché. Mais c'est à cause que Capcom, en fait, vraiment, mais vraiment beaucoup de publicité. Ils ont vraiment mis des scènes d'action, puis tu sais, ils ont montré, écoutez, c'est la fin d'un arc de Resident Evil. Léon, Chris, Jill, Claire, tu sais, c'est la fin de cet arc-là. Là. T'es l'air Wesker, Umbrella, t'es, tout se finit dans le 6. Préparez-vous, là. Il va y avoir de l'action, puis tatati tatata. Mais en même temps, le monde il était content parce que dans la bande-annonce, on voyait le retour de nos macabées préférés, les zombies. Parce qu'il faut savoir que Resident Evil avait pris une tournure où c'était plus des zombies, c'était des gens d'humains parasités, puis des affaires de même. Mais là, les bons vieux zombies étaient de retour et le monde était très content de cette nouvelle. Sauf que malheureusement, Capcom ont pris une tangente plus Tomb Raider. D'après qu'est-ce que je me fie aux critiques, dans le fond, pas Tomb Raider dans le style on escalade ou quoi que ce soit, mais vraiment le mode de jeu, donc troisième personne avec une caméra qui a tendance à fuir quand on s'en va dans un coin de mur. Et une des choses que ça peut paraître niaiseux, autant ça peut faire sacrer du monde que d'autres, ils disent blasphème, on peut marcher puis tirer. Ce qui, normalement, est assez logique, là. Qu'est-ce qui est assez logique? Mais c'est quelque chose qui n'était pas là dans Resident Evil à l'époque, et tout était de la stratégie de se placer à des endroits pour tirer les zombies. Mais de ce principe-là, le fait que le monde ait changé cette mécanique-là, ben, on est tombé avec un peu un jeu avec plein d'événements, quick time event, où on a des cinématiques où il faut appuyer sur les touches à des moments bien précis. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, c'est un ramassis de quick time event. Donc, il n'y a plus vraiment l'effet survival horror. Fait que les anciens fans de la série crient que Capcom, dans le fond, ont donné un coup de grâce et tué la franchise en mettant cette nouvelle tournure-là. Mais les nouveaux joueurs, eux, lèvent les bras et disent « Amen! Ils ont rendu Resident Evil jouable! » C'est peut-être pour ça que le monde n'aime pas ça. C'est peut-être ça que Capcom voulait faire, en fait. Ils disaient « C'est la fin de cet arc-là! » Ils ont tout scrappé, l'original, puis... C'est peut-être ça qu'il voulait dire, on sait pas. Peut-être, mais bref, ça fait pas l'unanimité, mais je vous le promets, fidèle auditeur, je vais me sacrifier à cette expérience. On va voir ça. Et vous aurez les opinions du roux, à savoir si ce jeu vaut la peine d'être joué ou pas. Excellent. Et une autre nouvelle, monsieur Andrew, avant de partir en musique? Oui, une petite nouvelle rapide. Voilà quelques semaines, d'ailleurs, je crois que c'était toi qui avais sorti la nouvelle, Mike. BioWare avait perdu deux des principaux fondateurs. Bon, en fait, les deux fondateurs du studio BioWare avaient décidé de quitter pour... un pour aller faire, je me rappelle plus quoi, et un autre qui allait faire s'ouvrir finalement une brasserie. On était bien contents, parce que nous, à la puissance maximale, on aime la bière. Mais effectivement, là, tu nous racontes qu'il y a un directeur créatif des 6 dernières années qui a quitté le bateau. Oui, exactement. En fait, on parle du designer principal et directeur créatif, Daniel Erickson, qui a travaillé, dans le fond, là, sur Star Wars The Old Republic et qui a décidé, dans le fond, là, de démissionner et de rejoindre une société qui serait pas focalisée sur la monétisation du contenu dans un jeu vidéo. Dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui est quand même... louangeable, en fait, comme vocation. Tu sais, dans le fond, essayer de plus se consacrer à l'art qu'est le jeu vidéo. Donc, tu sais, c'est quand même très bien. Mais ça fait quand même trois gros morceaux là, qui est perdu chez BioWare. Est-ce qu'on peut considérer que le bateau est en déroute ou peut-être certaines décisions qui ont été prises au sein de l'entreprise déplaient à ces membres organisateurs-là? Ça soulève quand même des questions. Parce qu'il faut pas oublier que ça reste une business. Puis BioWare sont associés pas mal avec EA. Donc là... C'est sûr qu'il y a des décisions de business, des fois, qui sont plates à prendre et qui peuvent un peu chambouler la direction artistique et les choix de gameplay, les choix. Et les choix de valeur les aussi. Les choix, je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc, on se ramasse avec des trucs comme ça. Mais en tout cas, on va espérer que BioWare va s'en remettre. C'est quand même trois grosses démissions en peu de temps. On va espérer que pour les prochains titres qui s'en viennent chez BioWare, ça va pas trop les affecter. Donc, après ces quelques nouvelles musiques, on retourne en musique. Monsieur Andrew, et avec quelle chanson? Je vais essayer de dire le titre. Ça reste le groupe Zebda avec la chanson Walala Radim. Exactement. Je devine tout à distance. Ouais, c'est ça que j'arrête de me dire. Un excellent groupe d'ailleurs. Si vous pouvez vous trouver ça, ces albums-là, sur les internets, allez acheter ça. C'est excellent. Toujours bon aux Zebda. Donc, je pense que c'est pas la première fois qu'on en passe à l'émission non plus. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. J'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut, dribbleur comme Chiffaut, un plus grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai méchamment menti et ça l'a fait. J'ai menti comme on tousse, sans que l'ontarème me pousse, j'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu vaux pas un centime, je le jure, voilà la radim, je le jure, voilà la radim. Voilà, voilà. Comme un canto, je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands faire le cowboy avec des balles à blanc, ramasser beaucoup d'oseille et blanc. À 10 ans, j'étais dur à cuire. Hein. Je voulais passer mon permis de conduire hein, à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dit, signe, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radim. Je le jure, voilà la radim. Voilà, voilà. Insulte, me disait ne fais pas l'inculte, dis bonjour quand tu croises un adulte. Et moi t'es-tu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Il a fallu que je fasse le beau et va savoir pourquoi sous le préau c'est l'adulte que t'es son chapeau. À 10 ans j'étais farouche, il aurait fallu me coudre la bouche. Je garoffe, c'est pour la rime, je le jure sur la tête de cime, je le jure sur la tête de cime. Voilà, voilà. Comment, quand je sortais de chez moi le matin, je faisais croire à tous les copains que pour ma marave ils étaient vains. À 10 ans j'étais en colère, on ne voyait plus les bulletins scolaires. Mineur, j'avais l'avantage majeur d'avoir mis à la main de le facteur. Tu me crois, tu vaux pas un CFA, je le jure sur la tête de moi, je le jure sur la tête de moi. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiou, invité d'honneur de G-Anime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Walala Radim de Zebda. Je sais pas comment tu fais pour le dire aussi vite. Ben, ça fait plusieurs fois que je l'écoute. Ah, c'est un bon truc, c'est un bon truc, hein? Donc, on continue, mesdames et messieurs, après cette excellente chanson de Zebda, avec une chronique, et oui, une critique du jeu Lollipop Chainsaw. On prend par surprise, on l'a pas annoncé. On l'avait pas dit tantôt, c'est vrai. Mais ça serait donc une critique de Lollipop Chainsaw sur PS3, avec monsieur Andrew Castegan. Oui, en fait, ça tombe bien, parce que j'avais le goût de vous faire un coup de gueule sur ce jeu-là, mais je pourrais plus vous le faire, parce que... le sujet de mon coup de gueule s'est concrétisé. Mais bon, je vais vous donner les détails tantôt. C'est bon. Bref, Lollipop Chainsaw, jeu qui est sorti en juin 2012, donc ça fait quand même un petit moment, qui est sur nos tablettes. Dans le fond, qui est 12 juin plus exactement. Quatre mois, Andrew, déjà? Exactement. Qui a été sorti, jeu classé M pour mature et pour caractère extrêmement sexuel et violent. Et dans le fond, c'est un jeu qui a été fait par l'équipe de Suda51, les créateurs en arrière de l'excellent jeu No More Heroes sur la Wii et la version qui a été refaite dernièrement sur la PS3. Qu'est-ce que c'est Lollipop Chainsaw? En fait, vous jouez Juliette Starling, qui est dans le fond une cheerleader d'une école secondaire quelque part aux États-Unis. Et cette fille, dans le fond, vit la vie de tous les jours de l'adolescente qui va à l'école et qui a un chum d'ailleurs qui s'appelle Nick Carlisle. Mais Juliette Starling a un secret terrible qu'elle ne veut pas dire à aucun de ses amis. Mais qu'est-ce donc, Andrew? C'est une chasseuse de zombies. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Parce que, chose à savoir, dans le fond, c'est que toute la famille Starling sont des chasseurs de zombies de génération en génération et chacun ont leur spécialité. Donc, Juliette Starling est la chainsaw. Donc, imaginez une collégienne en habit de cheerleader, jupe très courte et toute le kit. Là. Bref, le vous savez, c'est le quoi, top bed-in. Bref, t'es la chicks. Puis, Dieu sait qu'elle est chicks, cette Juliette Starling, avec une chainsaw rose, c'est ça, rose, avec, dans le fond, là, dans le fond, des cœurs sur la lame, et qui, sa profession, dans le fond, est de chasser les zombies. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un bon matin, le matin de l'anniversaire de Juliette, elle a un rendez-vous avec son chum au parc du centre-ville, et... Qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, invasion de zombies, les portes de l'enfer s'ouvrent et la ville est envahie par les morts-vivants qui, en passant, sont purement à caractère humoristique parce qu'ils font aucunement peur. En fait, ils font plusieurs jokes grivoises pendant tout le long du jeu. Et qu'est-ce qui arrive? Le pire arriva. Nick, le petit ami de Juliette, se fait mordre et Juliette fait un sort dessus. Pour qu'il reste en vie malgré l'absence de son corps. Diantre! Vous voyez un peu le style d'histoire, là. Et Juliette est obligée de dévoiler son secret, dealer avec son chum qui est rendu une tête ambulante et sauver le monde! Bien évidemment. Et je vous donnerai pas le reste parce que sinon je vais vous le spoiler. Mais bref, tout ça pour dire que jeu pas à prendre au sérieux au niveau scénario. Si vous voulez vraiment rire, c'est ma foi très drôle. Le scénario est pissant. C'est du Suda 51. T'es, si vous connaissez Suda 51, No More Heroes, puis tout le genre de jeux qu'ils font, c'est toujours un humour un peu pervers, sien, à la japonaise. Dans le fond, là, l'humour absurde japonaise, c'est typiquement un ça. Un peu random. Ouais. Un peu pas mal. Bref, sexe et violence gratuite. Ça définit bien. Et dans le fond, ici, on se retrouve devant un jeu, dans le fond, un peu beat'em all à la style Devil May Cry. Ou dans le fond... Mais avec une cheerleader, c'est une chainsaw. Exactement. Donc, un jeu troisième personne. Exactement. On tape sans beat'em all, et quand on tue les zombies en faisant les plus hauts combos possibles, ils droppent des pièces qui représentent de l'XP. Et avec ça, on peut aller dans les magasins et s'acheter des nouvelles techniques, des nouveaux habits plus sexy les uns que les autres, et des items pour nous aider à évoluer le long du jeu. Dans le genre de jeu, on comprend beat'em all et tout, à la Devil May Cry, mais est-ce qu'on a... quelque chose de nouveau dans le gameplay de ce jeu-là, ou on est assez classique là? Non, en fait, c'est très classique, je vous dirais là. C'est ils ont été, à mon opinion, frileux au niveau là, du gameplay. Ils ont resté dans les bornes. En fait, c'est pas vraiment compliqué. On peut voir ça un peu comme l'engine de No More Heroes, mais plus axé action avec une fille. C'est pas mal ça, dans le fond. C'est quand même bien. Je vous dirais, le jeu se prend bien en main. Je vous dirais que ce jeu-là est plus intéressant au point de vue histoire. Si vous voulez vraiment un jeu pour vous divertir, rire, vous rincez l'œil, parce qu'on se cachera pas qu'il y a des joueurs qui aiment bien ça, tout jeu avec personnages féminins charmants. Et je vous dirais que c'est quand même très intéressant. Je vous dirais la difficulté, c'est anormal, j'ai pas eu de misère. Il y a eu certains passages du jeu que j'ai eu de la misère. Parce qu'on sait que des bons Minecraft. Ah, c'est tough. Ça peut être tough, là, tout dépendant de quel opus de la série auquel vous jouez, mais là tu me dis qu'à un joueur normal là, peut bien se débrouiller. C'est ça, au mode de difficulté normal, vous pouvez très bien vous débrouiller. Il y a un mode difficile et très difficile, que ceux-là sont pas mal plus corsés. Par contre, il y a un bon système de récompense, parce qu'il y a beaucoup de choses à débarrer dans le jeu, mais il coûte quand même relativement cher. Puis si vous voulez débarrer les choses plus rapidement, vous devez jouer, dans le fond, au niveau de difficulté plus élevé, parce qu'il y a plus d'ennemis et ça fait en sorte que les enchaînements sont plus fluides, permet d'avoir plus d'XP rapidement. Donc, ça permet de débloquer les choses. Mais par exemple, mettez-les-vous, parce que vous allez avoir moins de vie, moins de possibilités de traîner d'items de vie. Donc, c'est à double tranchant. Donc, côté graphique, Andrew, c'est-tu très tape à l'œil vu le genre de personnage qu'on y retrouve? Ou C'est correct. Ouais. Je vous dirais que c'est pas le plus beau jeu que j'ai vu, mais je vous dirais Suda 51, ça a jamais été ils tiennent dans le cel shading. OK. Fait que c'est pas... On parle de cel shading, mesdames et messieurs, là, c'est de l'animation. C'est ça, c'est la force, c'est du 3D style dessin animé. C'est ça. Vous avez différents types de cel shading. Vous avez le cel shading plus vraiment manga, dessin animé, un peu comme les jeux Naruto qu'on voit, où les couleurs sont très vives, très pétantes. Les jeux Dragon Ball. Tous les personnages, les items, les décors, on voit très clairement les lignes noires pour les contours, pour vraiment faire comme si c'était un dessin avec un relief 3D. Et vous avez, dans le fond, le cel shading plus réaliste, qui va moins jouer dans les couleurs, plus jouer dans les couleurs ternes. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est que généralement, ce type de 3D-là est utilisé pour pouvoir mettre plus d'éléments de décor destructibles, plus d'ennemis, puis plus de personnages en même temps dans l'écran, par simple principe que ça prend moins d'espace dans la mémoire de la machine. Je sais que j'ai tombé dans quelque chose de technique, mais dites-vous que le cel shading réaliste, ça vous permet de tuer tout plein de monde en même temps dans l'écran. Donc, probablement, c'est l'idéal. Exactement. Mais là, tu vas nous parler, Andrew, là, tu nous parles dans quand même quelque chose de standard, plaisant, quand même divertissant, d'après ce que tu me dis, mais ça vaut encore 60$, je pense, en magasin? Non, ben c'est ça que je voulais faire, mon coup de gueule, mais je vous annonce que baissé à 19,99 aujourd'hui. Ah ouais, méchant timing. Ils savaient, ils disaient, Andrew, il a joué, il sera pas content, on va baisser le prix. Je pense que c'est ça. Non, c'est ça. J'ai eu confirmation de notre cher ami Julien qui travaille à une place, qui vend des jeux, et qui m'a annoncé aujourd'hui que le prix a chuté à 19,99. Bon, mais allez l'acheter, madame. Donc, je vous parce que c'est ça que tu me disais, Ardon. Tu disais, bon jeu divertissant, mais pas à 60$. C'est en fait, combien de temps tu l'as passé, tu disais? À peu près 4 heures. T'sais, en fait, le storyline se fait en 4 heures. Mais si vous êtes le genre de gars qui a tendance à dire que vous avez pas fini le jeu tant que vous avez pas eu la vraie fin, ou que vous avez pas tous les trophées que le jeu peut vous donner, ben attelez-vous à repasser le jeu plusieurs fois, parce que pour avoir la vraie fin puis avoir tous les trophées, ben faut ramasser de l'XP puis acheter tout, ben quand je dis bien tout, donc MP3, artwork, habits, technique, la totalité de qu'est-ce qu'il y a dans le magasin. Et là, vous allez pouvoir avoir tous les trophées, puis vous allez pouvoir avoir la vraie fin. Puis la vraie fin, c'est une image de différent dans le vidéo de cinématique. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut pas la peine. Effectivement, moi non plus. Ben, ça rentre dans la fameuse lignée de... On pourrait faire des jeux beaucoup plus intéressants si on mettait vraiment de la viande autour de l'os. Mais exactement. Bon, on y va encore avec... Mais tu sais, je vous dirais que moi, mon opinion, c'est que le jeu, je l'ai trouvé le fun. Je vous dirais que là, je l'ai loué. Là, je l'ai fini, fait que probablement que je rejouerai pas du temps de la location, parce que je l'ai passé, puis j'ai un autre jeu à jouer. Mais t'es, qu'est-ce que je disais à mes amis, c'est que dans le fond, à 59,99, ça vaut pas la peine. C'est pas un jeu qui valait la peine de payer autant pour qu'est-ce qu'il y avait à offrir. Mais pour 20$, je vous dirais que c'est un jeu que vous pouvez passer, le mettre au rencard un moment, puis c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez dire « Ah, Lollipop Chainsaw, c'était le fun, j'en ferai une morte après une game. » Tu sais, c'est ce genre de jeu-là qu'on le passe une fois, on le laisse à l'oubli pendant quelques semaines, quelques mois, puis un moment donné, on leur sort des boulamites, puis on fait « Ah, on va se leur taper, c'était le fun. » Tu sais, c'est ce genre de jeu-là. Pour 20$, je trouve que c'est raisonnable. C'est un jeu qui vaut 20$, mais pas 60$. Excellent. Ben, mais écoute, merci beaucoup, Andrew, de cette merveilleuse critique, encore une fois, de Lollipop Chainsaw version PS3. Mais vous pouvez aller la retrouver, je pense, sur Xbox également. Xbox 360 et PlayStation 3. Excellent. Merci beaucoup, Andrew. Et on continue en musique. Oui, ça va être une chanson qu'on aime bien parce que ça parle de nous. Oui! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé. La chanson de Zed et ses disciples, un groupe du Saguenay qui avait fait une chanson... vraiment comme ça là pour l'émission, c'est François G. Couillard, grand Manitou et fondateur de Puissance Maximale, qui nous avait envoyé ça, et la chanson s'appelle Puissance Maximale, et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Salon, homme d'affaires Monopoly, au château de la fortune, c'est le combat pour ta survie, pour ton honneur sur les dunes. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, capitaine interstellaire. Viking du Nord, pirate du Sud, choisis ton jeu, choisis ton camp, sois prêt à te battre sur le champ. Deviens axe ou allié, fais un blocus à ton ennemi, c'est le combat pour ta survie. Les dés sont lancés. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Il faut savoir prendre le risque, apprendre de ses échecs, respecter les dames. Comme des aventuriers du rail, ils veulent construire leur arsenal. Que tu sois de San Juan, de Carcassonne ou de Cuba, c'est la guerre, c'est la junta, et le meilleur de nous vaincra. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Bonjour, de retour à Puissance Maximale. On va continuer en nouvelles, en fait, des petites nouvelles qui sont sur le net, bien sûr, question d'être bien fraîche. En fait, première nouvelle, Sony a fait un point de presse pour annoncer sa déception par l'absence des éditeurs tiers sur la Vita. Vous savez, à chaque fois que je fais une critique au niveau de la PlayStation Vita, au niveau de Puissance Maximale, je répète toujours que je trouve que c'est une console qui manque d'amour. Et effectivement, également, Sony trouve que c'est effectivement le cas. Le président de Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, s'est entretenu avec le magazine Gamasutra pour y confirmer effectivement là, qu'il y avait un manque de soutien des éditeurs tiers sur la PlayStation Vita, aussi bien qu'au lancement qu'actuellement. Et Monsieur Yoshida, dans le fond, dit que c'est probablement à cause de la concurrence de d'autres plateformes mobiles comme les smartphones et les tablettes. Il reconnaît également là, que le iPhone et le iPad devient un concurrent de plus en plus sérieux dans le domaine des consoles portables. Mais aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que il ne met pas le blâme entièrement là, sur les autres compétiteurs au niveau des plateformes. Il parle aussi que le problème serait de Sony, qui aurait aussi manqué son rendez-vous avec les partenaires. Ici, je cite qu'est-ce qu'il a dit. Rétrospectivement, il y a tellement d'options qui s'offrent aux éditeurs à présent que nous ne pouvons plus prendre pour acquis le fait que notre plateforme sera soutenue par les tiers comme nous avons fait depuis des années. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que Sony, quand ils ont apparu avec la PlayStation 1 et la PlayStation 2, ils ont tellement frappé fort qu'ils ont mis un peu les tierces parties là, du développement du jeu dans leur poche. Et quand ils sortaient des consoles, il y avait des catalogues, il y avait de la demande, de l'offre pour faire du développement sur la plateforme de Sony. Et malheureusement, avec le marché qui... Ben, malheureusement. Heureusement pour les joueurs, malheureusement pour Sony, avec le marché qui se développe au niveau là, de l'offre du jeu vidéo mobile, Sony peut plus prendre pour acquis que les développeurs tiers vont obligatoirement développer pour eux. Donc, Yoshida dit que Sony ont bien l'intention de remédier à ça et ainsi alimenter le marché de la PlayStation Vita avec des produits faits par eux pour ainsi appâter et charmer les éditeurs tiers. Donc, je vous dirais que je suis quand même content de tout ça, de cette décision-là de Sony, parce que Sony Studios font quand même des solides titres. Fait que je me dis que ça risque d'être intéressant. Ça ne peut pas faire de tort, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Ça ne peut pas faire de tort, ça c'est sûr et certain. Ouais, ça va bien avec un micro allumé. Oui, effectivement. Mais tout ça pour dire que, ouais, effectivement, ça peut pas faire de tort. Puis effectivement, ça peut pas. Si on pense aussi à la PlayStation 2 au lancement, il y avait eu la PlayStation 3 au lancement, excusez. C'était à peu près pareil. Sony avait pas l'achalandage qu'il voulait. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Sorti plus de jeux. Puis là, oups, ils ont fini par avoir du monde. Sinon, une autre nouvelle? Ben oui, certainement, vas-y. Vous qui êtes en attente de Dishonored. Oui. Le jeu qui sort le 12 octobre au niveau là, de toute plateforme confondue. J'ai hâte. Arrêtez d'angoisser. Il y avait eu une rumeur comme de quoi que possiblement Arkane, le studio qui développe ça pour Bethesda, aurait des pépins et retarderait le jeu et que là tout le monde pleurerait à Noël parce que le jeu sortirait pas puis ça irait en 2013. Ben, moi je pleurais déjà d'ailleurs. Ben c'est calmez-vous. Le jeu est passé en gold le 1er octobre, la production est partie et vous allez avoir votre Dishonored, mesdames et messieurs, le 12 octobre. Il n'y aura aucun retard, à moins, comme Arkane dit, qu'il y ait une cruelle catastrophe naturelle venant détruire les stocks. On va espérer que Dieu, s'il y en a un, soit clément. C'est ça, tu sais, c'est... Donc on vous rappelle... On veut notre Dishonored. On vous rappelle que Dishonored, ben, c'est vendredi prochain, donc le 12. Oui. On a hâte. Ben, quand je dis vendredi prochain, la semaine prochaine. Là. Donc, on a bien hâte de voir ça. Moi, j'ai vu quelques trailers, là, puis j'ai bien hâte de tester ça. Ça a vraiment de l'air d'être bon. J'ai pas d'autre mot à dire. Tu pourrais dire awesome, badass, solide. Je voulais sortir un mot français et c'est le nom qui m'est venu, le seul qui m'est venu en tête. Ben, félicitations, Endo, pour ta belle utilisation de la langue française. Oh, pu. On passera pas les restes de la dernière heure et quart là-dessus, là. Tais-toi. OK, donc, c'est bon. Après ces quelques nouvelles, écoutez, on va déjà retourner en musique parce que notre invité est arrivé et on va aller le retrouver tout de suite après cette pièce musicale. Alors, Endo, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter

Oh yeah. Nariko de Heavenly Sword, Nathan Drake de Uncharted, Parappa the Rapper. Oh, ça, de la franchise de Parappa the Rapper. Très heureux. Un des premiers jeux rythmiques là, qui était sorti à l'époque sur PlayStation 1. Ça me rappelle mes. Là, ça va faire bizarre que je dise ça, mes jeunes années de collège. Oui, parce que je suis allé dans un collège privé catholique. Et j'ai un de mes chums qui était pensionnaire à l'époque qui m'avait dit, toi, c'est solide. Moi, je suis pourri dans ces jeux-là, mais j'avais trouvé ça très bon parce que les tunes, c'est n'importe quoi. Mais bref, on est content que Parappa fasse partie de ce jeu. Moi, j'ai hâte de le tester juste pour ça. Après ça, il y a Raiden de Metal Gear, mais il n'y a pas Snake. Ouais. Peut-être parce qu'il est avec Smash. Tu sais, la franchise gagnante. Oh, excusez. Qu'est-ce que tu là? Non, mais t'es, Metal Gear Solid 2, tous les hardcore fans de Metal Gear l'ont pas aimé à cause de Raiden. Tout le monde a trippé, puis a fait des wouh, puis qu'il est sorti dans Smash. Et là, regardez, PlayStation All-Star Battle Royale, c'est Raiden. Moi, je dis, c'est annoncé. Voilà, la fin est déjà annoncée. Après ça, on a. Ah, il y en a encore. Moi, je pensais que c'était fini. Ratchet & Clank, Sackboy, Sir Daniel Fortescue. Sir Daniel Fortescue de Medieval. Exactement. Sly Cooper, Spike de Ape Escape, Sweet Tooth de Twisted Metal, puis Toro Inoue de la série Menichi Isho. J'ai aucune idée c'est quoi. Ah, écoute, tout le monde connaît ça, hein? Dans tout plein. Et t'en as-tu un dernier ou c'est fini là? Ça en fait pas mal? Petit dernier pour dire si vous aimez pas Final Fantasy XIII et que vous voulez que Square Enix arrête de faire des Final Fantasy XIII, ben ça sera pas pour tout de suite parce qu'ils ont annoncé Final Fantasy XIII 3 Lightning Return. Et Andrew, on sent que t'es content là. Sortez Final Fantasy versus 13 pour que l'équipe puisse travailler sur Kingdom Hearts 3 et qu'ils ne sortent pas des Kingdom Hearts 1.5 HD. S'il vous plaît. Donc, les gens de Square Enix. Il n'est pas bon Final Fantasy 13. Il n'est pas bon. C'est un film. Allez loin, un film au club vidéo. C'est pareil. Allez vous chercher Final Fantasy Spirit Within. Ça va être malade. Exactement. C'est pareil. Ça n'a rien à voir avec Final Fantasy, mais quand même. Bref, voici nos deux nouvelles en vrac rapidement avant de partir en pause. Et maintenant, on va partir en pause publicitaire. Et on vous revient tout de suite à Puissance Maximale. Et on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez nous voir sur Facebook également. Là, on va avoir tout plein de fans. 2 millions demain matin. Donc, qu'on rattrape Facebook. On est très en retard. Oui, effectivement, parce que Facebook, quelques milliards. Si on prend le nombre de membres, puis on les compare à des pays, c'est le troisième plus gros pays. Solide. Non, pas tant que ça, on s'en fout. Bref, allez sur la page Facebook, allez nous aimer, parce que nous, on vous aime, on vous le répète souvent, mais c'est vrai. Et allez sur le site de ckiafm.org, donc, pour aller voir pour les shows bénéfices qui s'en viennent et le Radioton auquel Puissance Maximale va faire, on va faire partie, et on va participer de jour comme de nuit. Ça va être, j'ai hâte de voir ça, 4 heures de Puissance Maximale de nuit, ça va être malade. Bref, on s'en va en pause et on revient tout de suite après avec notre invité, M. Philippe de Rouville. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale et on est en compagnie de M. Philippe de Rouville, un ami que vous avez déjà entendu en fait à l'émission. Entre autres, c'est lui qui incarne M. Duke Nukem dans notre indicatif. On avait enregistré Phil. On n'arrête pas de recevoir des mails pour dire « Hey, vous connaissez réellement Duke Nukem? » Pour faire « Non, c'est juste une personne qui le personnalise. » En fait, François Gécouillard, fondateur et mentor, avait Chris m'a trippé qu'on est arrivé avec ça, c'était très drôle. Exactement. Et Philippe de Rouville aussi, on l'avait entendu lors d'un reportage à Janimé cette année, chef de sécurité. Mais là, aujourd'hui, on reçoit Philippe pour parler de Grandeur Nature. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Grandeur Nature ici à Puissance Maximale. Et on va parler de celui dont il est un des organisateurs, qui s'appelle Nordover, un GN à tendance viking. Donc, premièrement, salut Philippe. Salutations. Ça va bien? Oui, et vous? Très bien. Et moi-même, j'ai eu la chance d'aller à ton GN une fois là, l'année dernière, il y a un an et demi, et j'avais beaucoup aimé. Quand tu nous parles d'un GN viking, est-ce qu'on est dans un univers créé de toutes pièces par les organisateurs, dit fantasy, ou on y va vraiment dans le historique viking, ou on va où, là? En fait, il faut comprendre comme quoi que nous, la façon qu'on a conçu le GN, l'équipe d'organisation, c'est que on se base sur les sagas vikings et ce genre de choses. Mais sinon, l'univers est très low fantasy. C'est sûr et certain qu'on a des lignes conductrices qu'on essaie de garder au niveau de l'histoire puis au niveau de ce qui arrive en jeu. Mais règle générale, après le coup d'envoi, le reste est complètement laissé aux joueurs de pouvoir interagir s'ils décident de suivre la saga ou non. C'est sûr et certain qu'on présente en jeu des éléments qui peuvent permettre à des choses de suivre les sagas, mais loin de nous l'idée de vouloir menotter les joueurs à rester simplement dans cette ligne-là. Finalement, on n'est pas dans un storyline qui est trop restrictif, là, puis on n'essaie pas d'embarquer les joueurs de force. Il y a quand même une histoire qui va se construire, mais aux joueurs, finalement, à embarquer. Vous essayez quand même, j'ai vu, là, puis vous essayez d'intégrer quand même les joueurs. Il ne faut pas dire qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Je dirais que c'est un mélange un peu. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus qui ont dit qu'il y avait le commandeur qui est revenu le plus souvent, c'est que les joueurs avaient le temps de vivre leur personnage beaucoup plus. Donc, on n'est pas du genre à quest back à back tout le temps de l'action. Il y a toujours des choses qui se passent sur le terrain en tant que tel. Mais sinon, au niveau encadrement, les quêtes sont présentées et c'est les joueurs qui décident d'embarquer ou non. S'il y en a qui se mènent pour une saison complète, tant mieux, sinon tant pis. On parle de quêtes là, on parle de ces sagas pas norvégiennes mais scandinaves là. Ah, norvégiennes aussi. Norvégiennes aussi. Ben vous moi, quand j'étais là, on allait vraiment toucher dans la mythologie, on parlait des dieux en tout cas de ces êtres là, on avait en tout cas moi-même, j'ai été frappé par la lance d'Odin. Chose à noter aussi, nous on reste un GN très low fantasy. C'est assez étrange quand on dit « Ah oui, j'ai été frappé par la lance d'Odin ». C'est parce que l'emplacement de la campagne de notre GN, dans le fond, c'est Asgard en soi-même. Donc, Odin, Dame El, Thor, et etc. sont des mortels, dans le fond. Sont des gens, sont des seigneurs avec une certaine prestance, qui ont une certaine lignée. Mais loin de nous, l'idée de... Il y a beaucoup de GN qui reprennent les lignes que y a des dieux qui interagissent avec les mortels. Mais là, les mortels, ils sont là. Puis finalement, ils prennent le rôle des seigneurs. Absolument. Et puis, on s'arrange souvent, comme exemple, Thor est un joueur, Heimdall est un joueur, c'est pour ceux qui connaissent la mythologie, là, dans le fond, le gardien du pont de Bifrost, et puis le porteur du marteau redoutable. Qui s'appelle Mjolnir. Oui, effectivement. Vous avez un beau marteau Mjolnir fait sur mesure, d'ailleurs. Oui, il a été fait par Damoclès, et puis il peut se lancer. Ouais, je sais, je l'ai reçu. Non, j'avais bien aimé justement d'intégrer les éléments de mythologie, mais à un niveau justement de joueur. On se sent pas à travers des dieux ou on se sent vraiment inclus dans ces événements-là. Là, tu me parles d'un système low fantasy, donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des poignées de riz lançant, créant boule de feu ou des non, trucs du genre. Non, absolument pas. En fait, s'il y a des gens qui voudraient savoir à quoi s'attendre en jeu, si vous êtes familier avec Conan, le monde de Conan ou les films, c'est une bonne référence visuelle sur le niveau de fantasy qu'on a. On marche énormément aussi avec une règle, dans le fond, de ce que tu vois, c'est ce que t'as. Donc, nos géants mesurent 9 pieds de haut, 10 pieds de haut. C'est des animateurs sur des échasses. Il n'y a pas de « tu vois que » ou quoi que ce soit. On essaie vraiment de rester dans le contrainte de ce qu'on est capable de faire. C'est ce qu'on a. Notre dragon, la tête de notre dragon est gros comme une petite voiture. Donc, bref, pour intégrer un peu plus les joueurs, parce que en ôtant l'élément fantasy, ce que ça fait, c'est que ce que tu vis, l'émotion est beaucoup plus réelle, beaucoup plus présente. Donc, tu peux avoir plus, même si ça reste dans le contexte d'un jeu, t'as pas besoin de t'imaginer ce que tu vois, tu l'as, bref. Donc, ça reste beaucoup plus simple. Au niveau mécanique, y a pas de call, d'arrêt de jeu pour dire des effets magiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment toutes soit des références visuelles qui sont expliquées au début du jeu, ou bien des barèmes de sortilèges qui sont très définis. Donc on sait qu'en attendant ce mot-là, on sait que l'effet est assez simple pour pas être obligé d'arrêter le jeu, justement. Absolument. Donc, donner un exemple simplement, habituellement, le genre de sort qu'un mage pourrait incanter, et c'est toujours un mot que la personne doit faire pendant 10 secondes. Donc, dort, sommeil, aveugle, bref, la personne doit faire ça pendant 10 secondes, puis c'est universel. Il y en a pas qui durent 15 secondes, il y en a pas qui durent 5 secondes, c'est vraiment universel. Et on va simplifier le système, justement, pour éviter la sortie de jeu, finalement. Effectivement. Dans les choses très intéressantes de GN, là, c'est le terrain. Moi, j'y suis allé. J'ai vraiment été impressionné parce que c'est un terrain qui est très bien entretenu, facile. Puis moi, pour une première fois, je m'y suis retrouvé très facilement pour une première fois sur ce terrain-là, même en pleine nuit. Et où est-ce que ça se situe? C'est dans le coin de Victoriaville, je pense. Oui, en fait, le terrain, c'est sur le chemin de l'Aqueduc à Tingwick. Le nom du terrain s'appelle Aseltia. Ils ont une page web et une page Facebook pour les retrouver. Dans le fond, eux, c'est deux personnes, Brigitte et Christian, qui très gentils d'ailleurs. Effectivement, écoutez, on fait énormément de GN avec eux. Et eux, dans le fond, louent le terrain pour d'autres, pour tout, plein de GN qu'ils ont. Le terrain, j'ai fait beaucoup de GN, puis c'est un des plus beaux et des plus bien entretenus terrains que j'ai vu. Ça paraît que les deux propriétaires ont un amour pour le terrain, les grandeurs nature. C'est des mordus eux-mêmes, donc c'est absolument pas difficile à voir à travers leur terrain. Il y a des super beaux bâtiments. C'est sûr et certain que c'est pas des bâtiments à la mesure de ceux qui ont été sur le terrain de Béthanie, mais sinon, écoutez, c'est magique comme atmosphère là. Puis c'est continuellement grandissant. Entre deux GN, donc dans le fond, j'ai déjà été à un GN, puis la semaine d'après il y avait le mien, et en ce temps-là, il y a eu une palissade complète qui a poussé autour du village. Donc ils n'arrêtent pas. Je sais pas comment ils font pour faire ce genre d'affaires-là, mais c'est vraiment, vraiment beau là, comme terrain. On a en tout cas, dans le coin du village, là, il y a comme un coin sablonneux. Ouais, en fait. Ça fait bizarre. Ça, j'avoue que se battre en GN, ça, c'est la première fois que ça m'arrivait, là, se battre en GN, là-dedans, là, quand t'es en soir, là, moi, je faisais partie. En fait, la fois où je suis allé, je faisais partie de l'équipe d'animation avec Philippe. Et, on faisait des. J'ai découvert que Mike avait beaucoup de souffle. Ouais, quand même, pas si mal. Et, je jouais, c'est quoi, un Wendell, en fait. Ouais. Un homme. Des hommes sauvages. Des hommes sauvages qui attaquaient les hommes civilisés d'Asgard. Absolument. Et en pleine nuit, puis là, ça faisait quand même un bon bout. Là, on les poursuivait dans le bois. Le dernier coup qu'on a donné, là, on était justement sur le sable, puis je tombais à terre en pleine face, complètement en sueur. C'est pas le fun. En fait, la raison du sable, c'est que le terrain est construit. C'est une ancienne carrière que eux ont racheté. Donc, l'endroit, tout le village, il y a un lac en face du village. Bref, tout cet endroit-là, qui est un lac artificiel en passant, a été construit à partir de l'ancienne carrière qui était là, que eux ont aménagé là, pour les GN. Il y a beaucoup de rocailles. C'est aussi la raison pour laquelle... en fait, c'est une carrière et le reste du terrain, c'est une pinière, dans le fond, je crois qu'on appelle, ou ce qui est récolte des pins. Pépinière. Pépinière. Bref. Peu importe. C'était une place à pain. Une place à pain. Où ce qu'ils font de... Dans le fond, l'endroit était... Ils faisaient pousser des arbres pour pouvoir après ça les couper, les revendre, et etc. Et puis, ce qui fait que la forêt est excessivement bien dégagée. J'ai eu sans problème là, une fin de semaine complète marcher nu-pied sur le terrain sans avoir peur de rocailles ou vers ou quoi que ce soit, d'échecs qui pourraient plus... Puis même, je disais, non, c'était un bois très dégagé. On est bien, pour les ceux qui veulent faire des GN, ils veulent participer ou donner leur nom dans différents GN qui se passent là-bas pour faire des beasts, justement, ou faire partie des équipes d'animation. Mais c'est vraiment pas un problème de prendre le monde en hypocrite le soir. Là, on est bien. Ouais. C'est vraiment un beau terrain. Ouais. Pour un joueur qui veut se présenter à ton grandeur nature, Philippe, on peut-tu... notre personnage, est-ce qu'il commence... dès le départ, là, au bas de l'échelle, où il y a possibilité quand même d'avoir un background qui fait que, disons, on a une ascendance noble ou quelque chose du genre? En fait, la meilleure chose que je pourrais dire, c'est que quelqu'un qui souhaite se présenter sur le terrain, il faut d'abord qu'il sache comme quoi que notre système de points de vie n'est pas graduel. Donc, quelqu'un a 5 points de vie tout le long de sa carrière d'aventurier. Donc, les combats sont très sanglants, que ce soit que ça fasse 5 ans que t'es là, que ça fasse 1 an que t'es là. Notre système fonctionne sur le costume et sur le background que vous faites pour votre personnage, voir à quel point il est fidèle avec le nôtre. Et puis, il y a deux choses qu'on appelle les héritages et les talents. Les héritages peuvent seulement être faits à la création de personnages, qui peuvent, dans le fond, c'est des choses qui peuvent aller être recherchées dans le background, qui vont faire, dans le fond, qui va compléter votre personnage au niveau de sa personnalité unique. Donc, certains dons magiques, certaines choses de ce genre-là peuvent être vues sur les talents, sur les héritages, excusez-moi. Sinon, les talents, c'est vraiment plus au niveau skill. Donc, vraiment les compétences. Les compétences, c'est ça que tu retrouves de personnage. Il n'y a pas d'expérience ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de dépenses d'XP qui se font avant, après la création de personnage. C'est vraiment tout appris en jeu. Donc, et tous les joueurs ont la possibilité d'enseigner à d'autres joueurs leurs propres habiletés. Ça, c'est franchement intéressant. On sort justement du cadre très, très, très jeu vidéo. Des fois jeu de table également. On se ramasse justement avec des... ça permet aux joueurs de faire autre chose que d'attendre après des quests ou d'aller se battre. Mm-hmm. Parce que souvent, des GN, c'est seulement que ça. On se commence à faire que des combats ou que des quests, souvent, qu'on sent très bien que l'équipe d'organisation a mis ça pour meubler le temps, mais ouais. J'avoue que ce genre de truc là, ça rend encore le GN encore plus immersif. On comme disait justement tes joueurs là, on a le temps de vivre le personnage, ça je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça le problème, la plupart du temps que j'ai vu qui se passe souvent dans d'autres GN par rapport à ça, c'est que c'est des animateurs qui sont pris à faire les rôles de mentors et autres, de mentorat dans le fond, des heures de mentorat. Et puis nous on essaie d'éliminer ça en disant comme quoi que c'est les joueurs qui peuvent devenir les mentors beaucoup plus rapidement, il y a aucune difficulté à pouvoir le faire. Sinon le reste là, ça se fait tout en jeu là, pour pouvoir apprendre toutes les habiletés. Chose aussi à savoir, c'est que notre système est pas un système de personnages sur fiche. J'ai vu beaucoup de grandeur nature où c'est que ben t'as des esquives pour si tu te fais frapper tu call puis tu dis esquive puis ça fait comme si le coup t'était pas donné. Bref, ça fait que le personnage est vraiment la fiche de personnage et les habiletés compilées là-dessus. Nous, on est vraiment plus. On essaie de donner beaucoup plus de place à la personne humaine derrière le personnage, de façon à ce que ben ce que t'es capable de faire toi en tant que personne, ça compte énormément sur l'impact de personnage que t'as. Autant ton courage personnel que les habiletés de ce que tu peux faire, ton habileté au combat. Autre chose très intéressante, ça, justement, il y a des gens qui veulent faire des grands guerriers, mais qui sont pas capables de soigner leur arme, puis qui sont obligés. Ça, c'est pas que je veux pas que les gens se battent pas. Là. En fait, c'est au contraire, ils doivent l'essayer. Puis c'est de même qu'on devient bon. Là, c'est en se battant en GN. Si on veut devenir un bon guerrier de GN, ben c'est en le faisant. Là, on peut pas s'inventer des compétences. Ça, je trouve ça intéressant. Puis on a des très bons guerriers. Ouais, effectivement, j'y étais. Mais c'est ça. Ça, c'est un commentaire aussi qui est le fun. C'est que, en tout cas, à Nordover, la fois que j'y suis allé, des combats quand même physiques, intéressants. Ouais. On va pas, ça va pas à l'extrême. Là, je suis déjà allé des GN où on a déjà droppé, lancé nos armes. On est venu au corps à corps. D'ailleurs, ça se fait plus à GN là parce que justement, on a vu que c'était. En fait, il y a eu abus. Donc, on sait pas ce qui peut arriver. Là. Même si on se connaît, on est des amis, ben, tu sais, un coup de poing sur le nez, là, sans faire pas exprès, c'est toujours plate. Effectivement, à Nordover, pour les combats, moi, j'étais un gars assez physique, le côté combat, puis les joueurs étaient venus me voir à la fin, ils disaient, c'était le fun, on a eu ça a été des combats intenses, mais respectueux, là, je veux dire, on est conscient qu'on... Faut être conscient aussi qu'on va en GN, qu'on se bat, qu'on est un guerrier, on va là pour se battre, faut pas... Ben, si après un combat, selon moi, surtout au point de vue viking, c'était des gens très physiques, etc. Donc, si après un combat, t'es pas en train de suer à grosses gouttes, c'est que t'as pas fait ta job. Effectivement. Mais non, ça, c'est un point que je tiens à souligner. Quand j'étais là, j'avais bien aimé les combats physiques, juste comme il faut. Puis les guerriers contre qui je m'étais battu, c'était vraiment du monde... c'était du bon monde, du bon guerrier, puis ça se battait de la bonne façon. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. On a des très bonnes gangs, là. C'est fun, justement. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est sur le terrain. D'Acelsia. En fait, on a 1 an et demi, 2 ans plus. Et puis, on commence vraiment à voir des groupes qui se forment, des joueurs qui exploitent beaucoup des endroits du terrain où normalement on va pas. Puis, bref, le terrain est assez grand. Il y a 2 auberges à chaque bout. Et puis, on est rendu vraiment avec 2 clics, là, 2 gangs. Une gang qui investit une taverne, une gang qui investit une autre taverne. Donc, puis notre but à long terme, c'est vraiment de laisser tout ça aux joueurs, de laisser les joueurs s'établir où ce qu'ils veulent sur le terrain. Et vous construire autour de ça. Effectivement. On a un système géopolitique aussi très complet, très facile. On s'est fait dire par les joueurs comme quoi qu'il était super, super dynamique, très complet là, au niveau de sa facilité pour pouvoir en faire usage. Et puis, encore une fois, ça, il n'y a aucun animateur qui va faire du ruling, si tu veux, là-dessus, dans le fond, obliger un joueur de faire quoi que ce soit. La map est laissée littéralement à tous les joueurs. Bref, à long terme, ce qu'on voudrait faire, c'est carrément sortir tous les animateurs de la politique puis des interactions de joueurs pour vraiment se concentrer sur les interactions autres. Donc, si je pourrais donner un genre, nous autres, on essaie d'avoir beaucoup plus un tempérament PVE que PVP là, au niveau terrain. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire? PVP, donc Player versus Player, et PVE, Player versus Environment. Absolument. Donc, les joueurs contre l'environnement. Et non, c'est vraiment... Ça, c'est un concept très intéressant. C'est sûr que c'est dur à implanter en commençant dans un GN, là, vu qu'il faut toujours accroître le nombre de joueurs. Autre truc intéressant là, dans les dernières questions que j'ai à te poser, on parlait d'Asgard, là, parce que où est-ce que ça sur le terrain, ça se situe pas mal où la grosse auberge là, principale. Absolument. Mais on a accès à d'autres parties du monde viking. Entre autres, on a... Je me rappelle, j'essaie de me rappeler. Il y a Helheim, ouais. Effectivement. Les autres mondes où on était allé, on avait le royaume d'Udgar Loki, là, les DGM, le Jotunheim, et le monde des morts. Des morts, c'est Helheim. Helheim, ouais. C'est ça, bon. Parce qu'en fait, la façon qu'on fonctionne, nous, nos morts, c'est que quand tu meurs, tu vas dans la section de jeu qui s'appelle Helheim, qui est le royaume des morts, où tu continues à jouer. C'est pas un 15 minutes, 30 minutes que tu as passé mort, les bras croisés, à jaser avec les autres morts. Tu es vraiment encore présent dans le royaume des morts. Tu peux sortir du royaume des morts, si tu veux, pour retourner dans le royaume des vivants, même si tu es mort. Mais là, tu mets ton personnage en jeu. Il y a certaines conséquences. Il y a effectivement certaines lourdes conséquences s'il y a des choses qui arrivent. Sinon, on a le pont de Bifrost, qui est l'espèce de téléporteur universel qui peut t'amener n'importe où dans le cosmos. Bref, et on a une section du jeu qu'on appelle la forêt du silence, que les joueurs ont et savent comme quoi que s'ils entendent des sons venir de là, c'est complètement hors jeu. C'est si jamais on a des animations à faire qui se passent dans d'autres mondes, donc Muspenheim, Jotunheim, Alfheim, etc. Bref, toutes les Heim qui existent. c'est là qu'on les amène pour faire leur animation, simuler, si vous voulez, le changement de décor et les animations qui se passent dans d'autres royaumes. Excellent. Donc, on parlait du gène Nordover. Écoute, on va parler en terminant. Il faut qu'un nouveau joueur s'attende à payer combien pour se rendre à votre gène? C'est 25$ pour la fin de semaine, sinon 20$ en prépaiement. Il est toujours possible de nous rejoindre soit via Facebook à Nordover. Nordover. Absolument. Sinon, notre page web, c'est www.nordover-saga.com. Oui, c'est ça. J'étais pas sûr 30 secondes. Sinon, googlez-le, vous allez être assuré de nous trouver. Excellent. Nous, de toute façon, on va le mettre sur la page de Puissance Maximale, ce lien-là, pour aller vous inscrire, vous informer. Et il y a toujours les contacts. Vous avez des questions à poser aux organisateurs. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé pour nous avoir parlé de ton GN. Ça fait plaisir. Et on continue en musique, M. Andrew Castegan. Oui, on va y aller avec Dovahkiin Dan Ball. Oh yeah. Oh yeah. En venant. Nouvelle toute fraîche de Bethesda sur les expansions, les DLC de Skyrim sur PS3. Oh, excellent, on vous en parle tout de suite après Dan Bull et son Dovahkiin à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Rapping. Dovahkiin. Dragons? I'm not Overkeen. I'll dice them like a knife, slicing right through an aubergine. My dragon shell flow is sweeter than a soda stream. You won't believe your eyes. I'm like an overload of dopamine. A broadsword in one hand and a magic spell in the other. I'm the last of the dragonborn. There's no other. My brother, so run for cover. If you've got scales, then I'm on your tail and I will not fail like a free-roaming sandbox game. I'm off the rails. I walk the trail through awful gales and storms of hail to all the nails. Are knocked into your coffin. I'm not stopping till you're impaled and I prevailed in the name of the North. I pray to the Lord, you all get a taste of the blade of my sword. I'm taking on hordes of enemies. I'm facing with hordes of weaponry. The drain of my force, the chemistry comes into play with retorts and recipes. Alchemy mixing like a DJ. Restoration, restore my energy. My legacy, odyssey, elegy, prophecies written in heavenly bodies and buried with everybody that ever did bother to mess with me. Dead in them terribly, horribly. I'm a celebrity, honestly. You're a wannabe. I'm a prodigy. The suggestion you're better than me at being a warrior. Ha! Comedy! It's a gift to me. I don't just spit flames lyrically, but literally. And the Elder Scrolls are scripts in which I've written your obituary. I am the Dragonborn, wearing a hat with badass horns. I'm Dovahkiin, I'm globally, you're nobody at all. Oh mon dieu, les Indiens nous rattrapent! Il faut faire quelque chose, mon sang! Mettez plus de chapeau dans la chaudière! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec un autre indicatif classique de M. François Gécouillard qui avait fait ça à l'époque des débuts de Puissance Maximale. On vous rappelle que c'est cette année que Puissance Maximale a eu 5 ans. Donc, un autre beau 5 ans qui s'en vient, j'en suis sûr, avec la nouvelle équipe. Et on y va avec une nouvelle qui n'en est pas vraiment une, finalement. Bethesda et Sony ont fait une annonce sur les DLC de Skyrim. Oui, ben en fait, comme tu mentionnais un petit peu plus tôt, le deuxième DLC de Skyrim, Hearthfire, est sorti. En fait, c'est Hearthfire. Est sorti aujourd'hui pour le prix de 5$ sur PC. Et mais là, c'est à cause de la grogne. Des joueurs de PS3 montent. Ils disent, ben là, c'est à cause que nous autres, on attend toujours après Dawnguard qui est sorti en juin. Fait que là, ils attendent. Puis là, ça a commencé à chialer sur les serveurs, les forums de Bethesda. Ils ont le droit aussi d'un certain côté. Et Sony et le vice-président de Bethesda ont sorti et ont écrit aussi sur Twitter, et je cite, « That there is nothing to share ». Donc, c'est plate un peu. Mais en même temps, c'est mieux que dire « Wow, oui, ça va sortir à un moment donné, préparez-vous, joueurs de PS3, ça s'en vient », et de toujours repousser la date. Là. Au moins, ils nous annoncent que... ils ont rien à dire sur le sujet. Puis après ça, ils ont dit un autre, ils ont dit I don't have any info on Earthfire Dawnguard or DLC in general for PS3. We're still on it. We'll share update when I have one. Ben, au moins ils sont en train de travailler là-dessus, mais c'est quand même très plate pour les gens de la PS3. Ben, ça cause que moi, comme on parlait hors d'onde, je suis d'accord avec toi que oui, c'est honnête de Bethesda de sortir puis dire on n'est pas capable. T'es, ils l'ont dit, ils disent on n'est pas la PlayStation a une façon de gérer les contenus additionnels que nous on n'est pas capable de développer Skyrim ou Hearthfire dessus et on travaille là-dessus avec Sony, on a des problèmes. T'es, ils l'ont dit, je trouve ça correct. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils attendent pour appeler à l'aide. Non, mais c'est parce que Bethesda, toutes les autres compagnies qui envoient des jeux sur PS3 sont capables d'en faire des DLC puis de faire des updates à leurs jeux, mais pas vous. Donc, il me semble que c'est... En tout cas, je peux comprendre qu'ils veulent faire leurs affaires, mais ça commence à être vraiment frustrant pour les joueurs de PS3 là, qui ont Skyrim à la maison. Je les comprends aussi. Puis je comprends pourquoi il y a encore des éditions collectionneurs avec la figurine d'Alduin de disponible dans les magasins. Dans les magasins. D'ailleurs, allez-y, c'est pas cher. Pour ceux qui veulent juste avoir la figurine... ça vaudrait la peine. À peu près 50$. Je pense. Fait que. C'était 49, je pense, la dernière fois que je l'ai vu. Puis ceux qui ont vu la grosse figurine d'Alduin, là, ça vaut la peine. Elle est vraiment belle. Autre nouvelle, M. Castigan? Oui, en fait, tant qu'à parler de gens qui quittent des compagnies, on a le directeur du design de Gears of War, Cliff Bleszinski. Ah, c'est bon, tu l'as eu, ça, ce nom-là. Oui. qui a en fait quitté Epic Games Studio pour... Attends un peu. Tu as misère à lire, Andrew? Non, en fait, c'est à cause que je viens de lire une nouvelle que j'ai qu'à faire. Quoi? En fait, ils disent qu'il va se reconvertir en ouvrant un club de moussou ou une boutique de tatouage pour surfeurs. Écoute, chacun sa passion. Il y a un des fondateurs de BioWare qui va s'ouvrir une brasserie aux États-Unis. Donc, C'est juste parce que si j'étais pas sûr que j'avais bien lu. Écoute, on lui souhaite succès dans ses futurs projets. Mais c'est quand même un gros morceau aussi, encore une fois, qui quitte là, dans le fond là, l'équipe d'Epic Games. Malheureusement. Et on retourne maintenant en musique, mesdames et messieurs, avec une autre chanson. Et quelle sera cette chanson, M. Castigan? Au niveau de la chanson, nous allons écouter « Emmenez-moi ». Oui, de Charles Aznavour, parce que Charles Aznavour, c'est bien dans vos oreilles, mesdames et messieurs. Parce qu'on vous met de tout à puissance maximale. Du métal, des tunes de rap de Skyrim et de la chanson française. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Charles Aznavour. Charles Aznavour d'ailleurs, dont le nom a servi dans la série Gundam. Et oui, mais c'était Chad quelque chose, ça sonnait Charles Aznavour parce que l'auteur de Gundam est un fan de Charlot. Moi, je l'aime beaucoup, Charles Aznavour. On est intime, c'est que je l'appelle Charlot. Et on continue après ce petit fait divers de l'animé japonais pour retourner en nouvelle ludique. On va vous parler d'une nouvelle qui est un peu plate, là. On en avait parlé un peu plus tôt, la fin du jeu City of Heroes. Et on vous avait parlé, là, la première fois qu'on avait parlé de la nouvelle, que les joueurs allaient essayer de... En tout cas, avaient fait une pétition. Il y avait même des manifestations virtuelles, donc dans le jeu, où les héros allaient manifester à différentes places stratégiques du jeu pour... essayer de faire comprendre aux gens d'NCSoft qui voulaient garder leur jeu, mais finalement... Il y a une date qui est tombée, Andrew. Le 30 novembre 2012 oh, que c'est sera la fermeture définitive des portes de Paragon City. Ça, c'est triste. C'est une époque, en tout cas mon époque du début d'université qui se finit pour moi. Parce que j'ai joué beaucoup à City of Heroes lors de ma première année universitaire. Et ça a beaucoup affecté mes notes d'ailleurs. Mais c'était un bon MMORPG. J'ai toujours plus accroché sur City of Heroes que, entre autres, World of Warcraft ou Guild Wars. Mais je m'en suis quand même lassé parce que j'ai pas vraiment rejoué là, depuis ces temps-là. Mais c'était un bon jeu. Mais du monde qui jouait à ce jeu-là depuis le tout début, qui ont investi du temps, de l'argent dans leur personnage, et le 30 novembre 2012, ce sera la fin. Si au moins ils pouvaient permettre, en tout cas, à des joueurs, de s'ouvrir des serveurs privés pour avoir des fans qui pourraient continuer à jouer à leur jeu préféré de super-héros. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas rien par rapport à ça qui était sorti non plus. Et là, on va voir une augmentation proportionnelle avec DC Universe Online qui va augmenter. Et Champions aussi, je pense qu'il est dans la même Champions game. Online, c'est ouais. Ça. Je suis triste. Je suis quand même un peu triste. J'y jouais plus depuis plusieurs années, mais quand même un peu triste d'avoir mes deux personnages que j'avais créés qui vont disparaître. Un de mes personnages, d'ailleurs, qui avait gagné un concours de costumes Ça, c'est des gangs du monde qui avait bien d'argent, qui avait ramassé de l'argent dans le jeu, ils faisaient un concours de costumes. Vu que dans ça, c'est une des forces du jeu, là, quand on faisait un personnage, on pouvait justement customiser là, au maximum personnaliser le costume qu'on avait. Et je m'étais présenté là pour le fun, puis j'avais gagné le premier prix, $1 million en jeu. Ça passe très vite. Et toi, qui aimes pas se casser la tête avec l'argent, t'as dû apprécier. Ah, tout plein, j'étais bien content, surtout les gens savent à la puissance maximale que je suis un tricheur. Souvent quand la plupart du temps quand je joue solo sur PC, je suis un gros fan de triche, mais évidemment dans ces jeux-là, je ne triche jamais et c'est comme un petit cheat. Toi, c'était toujours le fun, tu sais, 1 million en argent in-game là. Toujours le fun à dépenser. Autre nouvelle, M. Castegan. Borderlands 3, déjà sur les rails. Et oui, ça fait à peu près quoi, 2 semaines, 1 semaine que Borderlands 2 est sorti. Et déjà, moi, tout le monde qui m'en parle me dit que c'est malade. J'ai hâte de le tester. Ben, en fait, je vais utiliser le terme français. Il a cartonné dans le monde entier. En fait, Borderlands 2 est un succès là, au niveau du box-office. On s'en cachera pas mal plus que le premier. Qui est un jeu en cel-shading, comme on disait tantôt. Donc, animation, first-person, shooter et roleplay. Ça fait penser un peu à Fallout dans le style. C'est moins poussé. Ouais. Dans le fond, c'est un first-person shooter. Ils ont gardé le système de tir un peu comme à la Fallout. Les armes font des dégâts, des choses comme ça. Il n'y a pas de bullet time ou de VATS. Là. Bref, je ne m'appelle plus comment ça s'appelle. Le système dans Fallout où on peut aller le temps et on vise, il n'y a pas de ça. Mais tout ça pour dire que dans le fond, c'est les armes, mettons tu tires une balle dans la tête, ils ne tuent pas forcément la personne. Ça fait plus de dégâts, puis tu sais, il y a des stats, t'as des skills, t'as des personnages à qui parler pour avoir des missions, puis des choses comme ça. Dans le fond, c'est un RPG de base, mais tu sais, c'est un jeu de tir qui est reconnu quand même pour être nerveux. Tu sais, quand il y a des ennemis, il y en a. Puis c'est un jeu qu'on peut jouer en coop à 4. Et c'est d'où le point fort du jeu. C'est que ce jeu-là, je vous dirais, jouer tout seul, c'est tel que tel. Il faut que vous ayez une gang de chums puis que vous ayez le jeu. D'où pourquoi qu'ils vendent le jeu en pack de 4 licences ou une seule. Mais si vous êtes 4 gars qui ne l'avaient pas, puis vous êtes ou 4 filles, ou peu importe, là, puis vous avez personne le jeu, puis vous décidez de vous l'acheter, mais vous l'avez pour moins cher. Et comme ça, vous avez un jeu nerveux avec tout plein d'actions qui paraîtrait être très bon. Et mais, tout ça pour dire que déjà le 3 sera en route. Exactement. En fait, Gearbox Software a expliqué lors d'une petite interview que Borderlands 3 était déjà en chantier. Aussitôt que le succès de Borderlands 2 a été confirmé, ils ont dit « Nous avons une formule gagnante, mesdames et messieurs. On travaille sur le troisième opus. » Il n'y a pas de date d'annoncer ou quoi que ce soit, mais c'est en chantier. Mais chose à savoir, Borderlands 1, il y avait 4 opus. Merci, Andrew. Je te voyais stressé. On va réussir à faire quelque chose avec toi. Là, mais bref, le premier opus avait eu un succès quand même mitigé parce que le système de jeu était pas parfait. C'était le premier coup, tout ça, mais ça a quand même bien fonctionné. Le 2, ils ont remplacé les 4 personnages pour que ça soit une histoire complètement à part. Question que ça sente pas le réchauffer. Et ils ont amélioré en prenant en considération les critiques que les joueurs ont. Et là, il y a eu d'autres critiques qui ont été faites sur le système du 2. Fait que ça m'étonnerait pas qu'ils utilisent le même principe pour le 3. Fait qu'à mon avis, le 3 devrait être quand même meilleur que toute la panoplie de Call of Duty, que c'est la même affaire qu'ils nous reçoivent à chaque année. Je pense que tu joueras pas à Black Ops 2, toi. Je dis ça comme ça. Je vais probablement le jouer. Mais je connais déjà ta critique. Mais c'est ça, et je vais probablement m'arranger pour l'emprunter. Parce que je l'achèterai pas. D'accord. Autre nouvelle avant de retourner en musique, M. Castegan. Oui, si vous êtes un étudiant qui étudie dans le domaine du jeu vidéo, il y a Epic Games, hein, quand on parle, tout se connecte, toutes les nouvelles se connectent, qui ont fait ils ont déclenché un concours qui s'appelle Make Something Unreal Live. Dans le fond, c'est de proposer vos projets pour le lancement du nouveau Unreal Engine 4. Solide. Donc, quand même, très intéressant. Par contre, petite bémol, c'est que vous devez être en équipe de 6 à 10 membres. Donc, si vous êtes seul, parce qu'en fait, ça implique que vous soulevez l'idée, que vous programmez l'idée et que vous soumettez la bêta de votre idée à Epic Games pour que eux prennent le projet et mettent le jeu au final. Fait que ça implique que vous devez être capable d'apprendre un nouvel engin graphique et de jeu assez rapidement, parce que c'est sur cet engin-là que vous allez programmer. Un genre de projet qui serait intéressant, mettons qu'on serait dans le temps du bivouac urbain à Québec, là, un genre de truc qui serait vraiment le fun à proposer aux participants. Exactement. Le Grand Prix, que votre jeu soit commercialisé, bien sûr, que compensation monétaire, et également une licence commerciale complète de l'Unreal Engine 4 que Epic Games vous donne et que vous pouvez faire... Qu'est-ce que vous voulez avec? Donc, je sens qu'il va y avoir beaucoup de studios de indie game qui vont s'inscrire à ce concours-là pour essayer de mettre leurs mains sur cet engine-là. Parce qu'un engin graphique comme ça, ça peut valoir quand même assez cher une licence. Quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que généralement, c'est des grosses compagnies de jeux, comme exemple EA ou autres, qui vont voir les compagnies comme Valve ou Epic Games qui développent leur propre engine de jeu. Ils font « Hey, toi, je t'achète ton engine pour pouvoir l'exploiter. » Donc, ça représente quand même des transactions de plusieurs milliers de dollars, même dans certains cas, des millions, dépendamment du projet d'envergure et de la compagnie. Excellent. Merci beaucoup, Andrew, pour cette nouvelle vraiment intéressante. Donc, avis aux programmeurs en herbe de la ville de Québec. Il y en a quelques-uns. On est dans une ville quand même peuplée de quelques compagnies de jeux vidéo. Ben, à vos claviers, à vos souris pour ce concours. Donc, avec Epic Games, vous allez voir ça sur les internets. Je suis sûr que c'est facile à trouver grâce à notre ami Google. Et on continue en musique, Monsieur Castegan. Oui, avec une toune qu'on aime bien. On retourne dans les contrées de Skyrim. La chanson thème interprétée par Lindsey Stirling et Peter Hollins. Donc, on va faire une introduction rapide du violon avec Madame Stirling et une utilisation très polyvalente de la voix du monsieur. Donc, là, tu viens de dire Peter Hollins. Monsieur Hollins, donc une belle utilisation de la voix qui va faire des beaux effets, en fait, à peu près tous les effets musicaux qu'on va entendre à part le violon. Donc, vous écoutez ça à puissance maximale. C'est le thème principal de Skyrim sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Une émission, écoutez, deux heures, on a su ça un peu avant de rentrer en onde. On est content d'avoir passé ces deux heures avec vous. Et on y va avec un dernier blitz nouvelle rapidement, des petites nouvelles comme ça rapides. Le Seth MacFarlane, dont le créateur de Family Guy, aurait été finalement nommé à l'animation des Oscars. Qui c'est qui pense qu'il va écouter les Oscars cette année? Bibi. J'ai hâte d'écouter ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, parce qu'on s'entend qu'habituellement, les Oscars, il y a quand même des côtés funnés, parce que c'est une animation de gala, mais il y a quand même un décorum, c'est les Oscars. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, moi, dans son animation. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Seth MacFarlane, mais... Bref, j'ai hâte de voir ça. Sinon, autre nouvelle, un concours pour les Simpsons, pour la finale, je sais pas si c'est pour la finale, ou en tout cas... Pour le dernier épisode de la saison, là, on a une collaboratrice qui est arrivée comme ça en studio à l'improviste, Madame Marc-Camille Carrier, qui nous amène des nouvelles. Merci, Marc-Camille. Pour le dernier épisode de la saison en cours. Elle fait comme dans les pièces de théâtre, elle chuchote les nouvelles. Ouais, c'est ça, c'est une souffleuse de nouvelles. Et bref, c'est ça, ils vont faire... En fait, ils lancent un concours aux fans des Simpsons pour qu'ils puissent écrire un gag de divan. Donc, le gag de divan, vous savez, là, pour ceux qui connaissent les Simpsons, pendant le générique de l'émission, vous avez tout à l'heure les Simpsons qui arrivent dans leur salon, qui veulent s'asseoir là, sur leur divan. Et là... il se passe quelque chose de rigolo. Et là, les fans pourront décider là, en envoyant leurs idées à Fox. Et c'est eux, finalement, le dernier épisode. Ça va être l'idée du fan en question qui va être pris. Donc, un petit concours intéressant. Autre nouvelle rapide, toujours dans le monde du divertissement. Écoutez, Disney et M. Bruckheimer, c'est ça, je me répète plus jamais s'il y a un R au début. Donc, M. Jerry Bruckheimer, donc producteur de Pirates des Caraïbes, la série, la, selon certains, la trop longue série de Pirates des Caraïbes. Ben, il y a un autre film qui s'en viendrait avec eux et Johnny Depp, et ce serait The Lone Ranger. Moi, je me rappelle avoir écouté ça quand j'étais jeune en dessin animé à Canal Famille. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Il y a un trailer qui est sorti sur Internet, donc allez voir ça si vous voulez vous rincer l'œil avec The Lone Ranger et aussi... Johnny Depp, là, pour ceux qui s'intéressent. Donc, voici pour des nouvelles rapides de divertissement et une dernière nouvelle jeu vidéo, une nouvelle assez intéressante qui concerne Bethesda et leur branche MMO. Oui, en fait, on sait que Bethesda, avec le prochain Elder Scrolls Online, qu'on n'est pas convaincu. Oh, tellement pas. Mais faut dire que ça a été, comme le développement a commencé avant la nouvelle que je vais vous dire. En fait, Bethesda a été faire un coup de filet. Ils ont été chercher l'ancien... producteur exécutif Rick Vogel, bref, je sais pas comment le prononcer. Rick, salut Rick. Rick, qui travaillait dans le fond chez BioWare. Et non, BioWare, ils vont-tu garder des employés ou. Mais bref, qui a travaillé sur Star Wars The Old Republic. Mais chose à savoir, t'es, parce qu'on en a parlé, Star Wars The Old Republic n'a pas vraiment le succès que BioWare escomptait. Puis t'es, il y a eu beaucoup de monde qui ont quitté. Puis d'ailleurs, d'ici un mois, si je me rappelle bien, ça s'en vient free to play. Ben, bref, c'est ça qu'il avait soulevé. Mais Rick a pas juste travaillé sur des jeux qui ont eu un succès mitigé. Il a travaillé sur Ultima Online, qui a quand même eu un gros succès. Il a travaillé aussi sur Star Wars Galaxy. T'es comme moins... Ouais, Star Wars Galaxy. T'es comme moins fier de le dire fort. Puis Meridian 59, mais je connais pas ce jeu-là, mais en tout cas, ils ont mis beaucoup d'emphase là-dessus, fait que je présume que ça a été un gros succès. Et dans le fond, ils vont partir un nouveau studio en sideline, Battle Cry Studios, qui va siéger à côté de Arkane Studio, qui est le studio qui travaille présentement sur Dishonored. Et... la vocation de ce studio-là n'a pas encore été annoncée par Bethesda, mais je me dis, Bethesda travaille sur les RPG, on s'entend. Arkane a l'air de travailler sur qu'est-ce qui est action pour Bethesda. Avoir le CV de ce gars-là, ça ne m'étonnerait pas qu'il va s'occuper des MMO sortant de Bethesda. Je dis ça sur toute réserve. On lance ça, comme idée, on jase. C'est ça, on jase de même, mais tu sais, je me dis que lui, j'y donnerais pas le développement d'un RTS. Bon, qui sait, peut-être qu'il est bon. On va peut-être faire le prochain StarCraft. Qui sait? On sait pas. On le connaît pas, ce gars-là. Mais juste pour dire, ce gars-là, dans le fond, a quitté BioWare. C'est pas un licenciement. Il a quitté BioWare parce que lorsque Star Wars The Old Republic a commencé à perdre au-dessus de 400 000 subscribers et a commencé à vouloir changer pour le free-to-play, Rick a considéré que c'était un de ses... grands échecs point de vue professionnel, et il a mis le blâme sur BioWare, que BioWare aurait pris des décisions que lui n'était pas en accord, et que à son opinion, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que Star Wars The Old Republic n'a pas le succès qu'il serait supposé avoir. Excellent. Mais merci beaucoup, Andrew, de cette belle nouvelle. Écoute, on en parlait comme ça, on dirait qu'on est des intimes avec ce fameux Rick. Ben, j'ai son numéro de téléphone. Pardon, on va essayer de suivre ça, parce que c'est un gros nom comme ça. Peut-être qu'effectivement, ça va donner un petit coup... d'intéressant au développement là, du MMO de Elder Scrolls, mais on sait pas, ils ont pas dit qu'ils travaillaient pour ça, mais bon, qui sait. Donc, on y va en musique pour une dernière... On glisse une nouvelle comme ça rapidement. Les dates du Comic-Con de Montréal là, qui s'est passé en septembre, là, avec un gros succès de foule, encore une fois, beaucoup de monde qui se sont présentés au Centre des Congrès au mois de septembre dernier là, pour voir Comic-Con de Montréal avec des gros invités tels que les deux capitaines de Star Trek, là, le capitaine Kirk et capitaine Picard, dont qui était présent. On avait d'autres gros invités aussi qui étaient là. Et bref, gros succès. Les dates sont déjà sorties pour l'année prochaine. Donc, à votre calendrier, mettez déjà le 13 au 15 septembre au Palais des Congrès de Montréal, où on va avoir un Comic-Con 2013 qui est déjà prêt là, à vous accueillir. Là. Commencez tout de suite à ramasser vos sous pour aller acheter tout plein de goodies, aller vous payer tout plein d'autographes et vous payer une chambre d'hôtel, parce que on est là 3 jours, faut bien dormir. Donc, on y va. C'est avec... pour les faibles, ça. Ouais, ben moi, à 3 heures du matin, je suis faible. Ouais, mais ça cause que nous autres, notre taux d'alcoolémie est pas à zéro. C'est ça l'affaire grave. Effectivement. On aime bien ça prendre un verre avec nos amis de convention quand on sort de la ville de Québec et même à Québec. Ouais, on... modérément. Toujours modérément. On y va avec une dernière chanson avant la fin de Puissance Maximale. Et Andrew, on continue avec une chanson. Ça fait longtemps que tu vas nous faire écouter. Ouais, ben à toutes les fois, soit que la clé USB marche pas, soit qu'on l'oublie, ou soit, tu sais, péripétie, mais là, je me gâte. Le destin est avec toi. Je vous la passe de Clockyard de Apnée Park. Petite toune que j'aime bien, un bon petit rythme pour compléter la soirée, vous aider à digérer votre souper. Fait que on vous passe ça sur les ondes de Puissance Maximale et on revient. Ground. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec une voix profonde comme ça pour terminer l'émission parce que c'est déjà la fin. Après deux heures d'émission bien remplie, même annoncé la dernière minute, on a réussi à vous envoyer des belles nouvelles, à vous commenter ça comme des chefs et comme dirait Lonely Island, like a boss. Je tiens à remercier... personnellement, l'Internet. Oui, parce que on a été pris de court un peu, mais on a quand même réussi à vous sortir des bonnes nouvelles et vous commenter ça comme des chefs. Je l'ai dit tantôt, mais il faut le répéter. Des champions. Je voudrais remercier M. Philippe Derouville qui était là tantôt pour nous parler de son GN Nordover. On va mettre le lien sur le site Internet de Puissance Maximale pour aller vous informer sur ce grandeur nature qui est très intéressant. J'y suis déjà allé personnellement. J'ai beaucoup aimé. Je veux remercier M. Andrew Castegan à la mise en onde, aux commentaires, à la chronique, à l'Internet. Merci beaucoup, Andrew, d'être là chaque semaine. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de faire plus souvent des sorties d'onde. Si vous l'appréciez, dites-le sur Facebook. Ça va me faire plaisir. Je vais m'impliquer plus. Ouais, c'est ça pour les transitions vers la chanson. C'est la première fois que tu faisais ça. T'as fait ça comme un chef. T'es un pro, Andrew. Faut que tu trouves des nouveaux adjectifs, on dirait. Je trouve que tu dis... Excellent comme un chef. Like a boss. Ah, like a boss. J'aime ça. Et mon nom, moi, c'est Mickaël Michaud. Toujours content d'être là pour animer cette émission. Toujours content parce qu'on fait des grosses journées avant de venir ici, mais vous êtes notre plaisir du jeudi. Toujours... Qui nous aide à oublier notre faim. Oui, c'est ça, parce que là, nous, il est 8h, on n'a pas encore soupé et on combat cette fin parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, et on vous aime vous parler de jeux. Et pour avoir plus d'informations sur Puissance Maximale, vous pouvez toujours vous rendre sur le www.puissancemaximale.com pour aller chercher toutes nos anciennes émissions. Même il y a des vieilles émissions là qui sont, vous voulez voir... tout plein de YouTube. L'âge là. D'or de Vincent Langlois. Ouais, de, comme animateur, monsieur. Les débuts de Mickaël, à l'époque où il y avait un sketch, une ouverture d'émission. On reprendra pas ça. Dans l'excellent Pac-Man. Ouais, effectivement. Et vous pouvez aller chercher ça, des podcasts également, images et autres nouvelles. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, donc taper Puissance Maximale sur les internets dans Facebook pour aller nous retrouver, appuyer sur le bouton j'aime parce que nous, on vous aime. Je le répète à toutes les émissions, mais c'est vrai, parce que si on vous aimait pas, on serait pas là toutes les semaines à avoir faim et à attendre d'aller manger et de, tout ça, et à se préparer des heures et des heures avant. Et dans mon cas, monter de Lévis. Effectivement. Il faut vraiment vous aimer pour faire ça, et aimer, évidemment, les jeux et la radio. Et on vous rappelle également qu'il y a des shows qui s'en viennent bénéfices pour CKIA FM, la station qui nous accueille ici, des shows qui s'en viennent à la Ninkasi, à Québec, des shows folk country, jazz, progressif, même des shows classiques qui s'en viennent également, entre aussi dans d'autres bars. Vous pouvez toujours vous rendre donc au www.ckiafm.org pour aller vous chercher des informations. Et un autre truc qui est important qui s'en vient pour CKIA, il y a une vente de CD aussi de musique progressive pour 10$. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.ckiafm.org. Je le répète, c'est important de participer parce qu'en plus d'être des excellents shows qui s'en viennent, un très bon CD de musique à 10$ seulement, il y a aussi un radiothon qui s'en vient vers la fin octobre où on va prendre part à ce radiothon-là pour aider CKIA FM à se financer parce qu'on vous rappelle que c'est une station communautaire de Québec pour continuer à alimenter un micro libre à Québec, permettre à des animateurs comme nous de vous parler pendant 2 heures de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, whatever. Ou 4 heures lors du radiothon. Bref, venez encourager CKIA lors de ces activités-là. Allez sur le site Internet pour vous renseigner. Mon nom est Mickaël Michaud avec M. Andrew Castegan. Je veux dire le mot de la fin. Et M. Andrew Castegan vous souhaite... une bonne semaine de jeu. Merci, Andrew. À la prochaine. We use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we...